Lingue rebelle. Lingue rebelle. Radio Joe. Radio Joe. Radio Joe. 89.5. Bonjour, il est. Il est 17h. Nous sommes le 25 juillet 2018. Et à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Et la société continue de vous mentir. Car en réalité, nous sommes le 6 juillet. Il est 9h40. Et nous sommes à Tence. Pourquoi on est à Tence ? Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Nous sommes perdus. Bah, moi, je sais pas. Je crois qu'on m'a dit qu'il y avait un festival dans le coin qui s'appelle La Rétournade et qu'on y était hier soir. Ah, mais c'est ça ! La Rétournade, 5e Vilo de Tenso. 5e édition, ville de Tence. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier ? La Rétournade, ouais, c'est un festival quand même surtout autour de l'Occitan qui est à l'initiative de Julien. Donc c'est un festival voilà, qui a démarré en 2013. Et voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire. C'est un festival culturel qui rassemble. Exactement. Parce que juste avant, on a bu un petit café avec Julien, donc, qui organise ce festival. Et on lui a posé quelques questions. Et voilà. C'est un peu dommage, on voulait l'inviter pour qu'il soit au plus près de vous. Et au final, on n'a pas trop eu le temps. Une entrevue radiophonique sans micro. Ouais, du voilà. Coup, que une blanc comme enregistrement. Donc on a noté quand même des choses. Oui, alors on a noté des choses. Donc bah, peut-être le présenter, Julien, vite fait. Oui. Il s'est présenté comme agriculteur à Tence et il est passionné de la langue de l'occitan depuis longtemps. Et il aime bien organiser des bringues, c'est son mot. Et donc il a lié les deux pour, donc c'est ses mots aussi, faire vivre le village. Il aime cette idée de faire vivre son village. C'est un festibringue en fait. Un festibringue. Voilà. Et puis il voulait, son idée c'était de partir de la culture des gens qui sont sur place pour faire un événement culturel. Donc il fait ça depuis 2013. C'est ça. Et on a oublié de le dire là, cette édition là se déroule du 5 au 8 juillet, mais pas que à Tence, je crois, pour plusieurs endroits du coin. Bah, c'est que jeudi il y avait un spectacle au Mazet Saint-Voix, okay. Mais donc à côté, mais sinon il y a une exposition au Chambon-sur-Lignon, mais sinon c'est essentiellement tout à Tence. Ouais. Au Mazet, héros de théâtre. Mais alors est-ce que ça a toujours été à Tence? Il me semble que c'était à Retournade. Non, ouais, les deux premières éditions, je crois. La première a été à Retournac, et après il a déménagé, lui, donc il habitait à Retournac avant, et il a déménagé, il a ramené. Il a pris le festival avec lui. Ah, c'est ça. Et puis le nom Retournade est lié un peu à la ville de Retourna. Mm. Et un peu le lien entre le nom de la ville et le retour à la langue. Ou... Parce que Retournade, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Mais justement, qu'il format sur Retournac, okay. La ville. C'est la fête des Retourna, enfin l'événement qui se passe à Retourna. Okay. Et après, il y a eu l'idée de retour à la culture, au retour à la langue qui s'est un peu perdue pendant une parenthèse de l'histoire. Ouais, qui retourne, enfin qui se répète, quoi. C'est un événement qui revient tous les ans. Ouais, ou qu'un retour du peuple à sa culture, en fait. Mm-hmm. Ouais, mais ça, c'est au niveau. Ok, on est dans le nom du festival, mais ouais. Au niveau toponymie. Alors, un retour, comme on retourna, qui est lié à la rivière Leyre. Il fait un retour. Un retour, c'est une grande courbe. Okay. Sur elle-même, et à Retourna, justement, il y a un grand retour. Okay. Et la ville de Retourna, c'est un format sur l'hydronyme, en fait, sur le lien avec la rivière. Le nom. La posture, l'hydronyme, la posture que prend la rivière avec l'endroit qui fait une grande courbe. Mais d'ailleurs, à Tence, ça se passe aussi au bord d'une petite rivière, mais bon, qui fait pas de courbe. Petit ruisseau. Mais qui est bien sympathique. Le Lignon, et on peut se poser au bord du Lignon. Je sais pas si c'est le Lignon. C'est le Lignon aussi, non? Je suis pas sûre. Non. Mais si, c'est qui disait ça hier? Et Matru, hein. Oui, c'est un autre cours d'eau qui s'appelle, je sais plus. C'est quoi? Ah zut. Il y a à peu près 7 ou 8 cm d'algues en espessous. Et en largeau, 1,50 m. Et on sait pas ce que c'est de l'eau très jolie. Moi, je propose juste, si ça vous dit, avant de continuer à parler de ce festival, de rappeler l'endroit où on se trouve. Donc ça s'appelle la Maison de la Lingua. L'Hostal de la Lingue. Ouais. L'Hostal de la Lingue. L'Hostal ou la Maïjou. Maïjou. Mmh. Et voilà, on est donc aux 12 grandes rues à Tence. Ouais. Ah, ça aurait bédé par là d'Akelendré. Oui, ah. C'est un... Oui. Ouais, vite fait, c'est l'endroit où... Ben, je pense que la culture occitane, elle a déjà une vitrine. C'est ça aussi, dans la rue, on peut voir des affiches et des livres et tout. Il y a des horaires d'ouverture et c'est donc le lieu de l'association La Retournade. Mais aussi, c'est là où, une fois par semaine, il y a cours ou ateliers d'occitan. Une semaine sur deux avec plus des confirmés, on va dire. Donc, et une semaine sur deux des débutants. Voilà. Et là, notre filtre sur la rue, c'est un drapeau noir et rouge avec une croix occitane et un point levé. C'est pas mal. Ah, j'avais pas vu le point. Yes, et ben. Non, je peux pas parler en anglais. Ouais, on peut peut-être du coup reprendre sur notre petit échange avec Julien ce matin. Ouais. Si ça vous dit. Donc, oui, dans cette idée de peut-être de partir de la culture des gens qui sont sur place, on peut tout faire. Je cite du coup ces paroles. Je sais pas, qu'est-ce que ça nous inspire. Ça nous inspire. Ah. C'est pas compliqué. Et l'idée de partir des gens qui habitent ici, la culture des gens, et faire avec tous ces gens-là quelque chose ensemble. Ce qui veut dire que du coup, il y a un vrai mélange qui se fait, mais c'est vrai que ce qui nous a peut-être, on peut peut-être parler de ça, ce qui nous a interpellé dans ce programme, avec tous ces concerts, ces stages et tout. Il y a la proposition du dimanche 8 juillet, 10h30, messe en occitan à l'église de Tence. Avec la lecture de textes en occitan. Et on a posé la question à Julien voilà, que ça nous avait un petit peu fait tiquer. Et pourquoi cette place-là, la religion, sur un festival culturel. Et ben, juste pour rappeler donc sa réponse, il avait expliquer que malgré le fait que ce soit pas forcément lié à ses croyances personnelles, que c'était un moyen de encore une fois de rassembler et de faire comment dire un truc pas militant et un peu en dehors des clous de ce qu'il fait d'habitude, si j'ai bien compris. J'espère que je ne maltraite pas ses paroles. C'était ça, non? Moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il disait qu'il y avait une quinzaine de personnes qui étaient en organisation avec lui, qui étaient des gens qui allaient à l'église et qui faisaient ce genre de choses. Il disait, en fait, ça a été l'opportunité de travailler avec ces gens-là et d'organiser un truc ensemble, alors qu'ils ne l'auraient probablement jamais fait. Et aussi que ces gens aient moins peur de venir peut-être la veille à un concert de ska punk, parce qu'ils se sentaient plus bienvenus dans un truc qui leur ressemblait un peu. Ouais. Je sais pas si c'est... Peut-être qu'on peut... Il me semble qu'il y a un équilibre qui n'est pas évident à trouver entre prendre en compte la culture du monde d'Ati et pas se trouver dans une festival qui est trop localiste. Mmh. Et du coup, que me semble un équilibre qui n'est pas évident et que du coup, qui n'est pas toujours habilement ou franc le milieu que c'est pose qu'imagina, mais que... qui est délicat comme équilibre entre prendre en compte le monde qui sont Ati et c'est pas ce s'arrache le monde d'Ati et c'est bada de tout le monde. Alors peut-être que sans entrer dans un débat en l'absence de Julien, on pourrait partager nos avis respectifs, si ça vous dit. Ouais, sur la question. Moi, à la limite, qui est une messe en occitan, j'avoue que ça me choquait pas dans le sens bon, bah, voilà. Après, c'est vrai que ce soit écrit sur le programme, que ça fasse partie intégrante du festival, je trouve ça un peu étrange. Après, il l'a bien expliqué, que c'était pour se mettre au niveau local et tout. Mais ce qui m'a dérangé, voilà, c'était l'impression de se déconnecter du monde, et c'était un choix, et le fait de ne pas prendre conscience du monde qui nous entoure, même si on est dans un petit patelin et tout, je trouve que rendre absente toutes les formes d'oppression qui peuvent exister. Et on n'est pas obligé d'être forcément sur un festival ultra militant pour occulter ça, quoi, en fait, pour oublier ces choses-là. Voilà, mais c'est mon avis. Oui, faire attention aux choses, c'est pas leur donner toute la place non plus, je trouve. Pour ma part, hein, ce que je pense de ça, je crois que moi, ce qui me plaît dans l'occitan, bah, c'est sa dimension de langue rebelle. Et je trouve que de mettre de l'occitan dans une messe, bah, c'est plus du tout rebelle. Enfin, moi, ça me parle vraiment pas. Mmh. Et que je trouve ça presque dommage, en fait, d'utiliser l'occitan pour perpétuer ce que moi je considère comme un outil d'oppression, qui est la religion catholique. Et c'est un peu, je sais pas, lui enlever toute une dimension que je trouve importante et en le remettant sur un truc un peu plan. Mais j'ai vraiment entendu après ce qu'il disait sur le fait d'organiser avec des gens avec lesquels il n'aurait pas l'opportunité d'organiser autrement qu'en faisant ça. Et puis aussi, il disait, il me semblait que c'était important. Enfin, là où je sais pas si je suis exactement d'accord, mais que en fait finalement aujourd'hui l'église en tant que telle dans les villages elle est plutôt dans le rapport inverse, il disait presque, tu vois, que elle avait tellement peu de place et tout que finalement c'est là où en fait finalement ce serait bon, ils sont pas dominés non plus, ils sont pas opprimés. Oui, non, mais en tout cas, c'était presque punk de faire une messe, quoi. Bon, voilà, après même si, mais pense quand même que même si la religion a pas la pourta qu'a eu à d'autres époques, des morts dans une logique d'oppression quand même. Même si tout ce pas un grand public, le public est tout, c'est le tout. Enfin, là, il se pas indemne, le public est tout. Même si par le moment est petit, n'empêche pas qu'il y a une autre époque pour tourner à venir gros. Et je suis pas. C'est pas le nombre qui fait. Je suis pas rassurant à Saint-Docène de savoir qu'il n'y a pas grand monde qui vont à la glaise pour me dire bon, ben, c'est pas inoffensif. Enfin. Oui, en plus, c'est quoi? C'est se dire ah, ben du coup, il y aura peut-être un peu plus de gens qui vont y aller parce que c'est dans une langue qui leur plaît. Ouais, c'est ça. J'avoue que. Ouais, il faut quand même rappeler là pour nos millions d'auditeurs. Que la petite interview qu'on a fait a vraiment pris, fallait 12 minutes à tout casser. Donc on n'est pas là non plus pour... Enfin, on développe le truc avec vraiment nos avis personnels et c'est chouette. Mais voilà, on n'a pas eu le temps de beaucoup échanger. Après, ben, effectivement, de ce qu'on a récolté, de ce qu'on a observé sur le programme, etc. Ben voilà, moi aussi je suis dérangée parce que... J'avoue, j'avais pas lu de bout en bout le programme. Donc j'ai envie de me dire, bah, ça m'apprendra à voir les programmes des autres festoches. Parce que ça se trouve, en fait, je serais pas venue en ayant compris ça. Je serais pas venue, c'est pas parce que genre je rejette la religion catholique à ce point-là, mais parce que je sais qu'il y a d'autres festivals qui sont dits culturels, qui sont dits non politisés. Mais dans lesquels, genre, ce serait mais complètement aberrant d'aménager des temps de prière pour les personnes musulmanes, par exemple. Et en fait, si les choses pouvaient fonctionner dans les deux sens, bah, je trouverais ça mais top chouette. Là, je dis pas qu'il aurait fallu aménager des temps de prière pour les personnes musulmanes, parce que ça se trouve, il y en a zéro dans le coin, et c'est comme ça. Bah, lui-même, il l'a dit, s'il y avait eu des bouddhistes qui avaient oui, voilà, c'est vrai, il a dit ça. Une ouais. prière bouddhiste en Occitan, voilà, mais en vrai... Ça n'arrive pas. Non, mais ouais, après, bah voilà, faut voir, quoi. Mais je veux dire, c'est vrai que moi, le truc qui m'a dérangé le plus, là, c'est ce truc de... Je fais des trucs avec les gens du coin, et avec la culture du coin, mais effectivement en nous mettant en fait dans quel monde on vit aujourd'hui et comment on inscrit une action culturelle je sais pas comment formuler ces trucs, mais ouais, pour moi tu peux pas être on peut pas dire c'est pas politique. Tout ce qu'on fait, c'est politique, de toute façon, même sans le vouloir. Et là, mettre dans un programme culturel une messe, d'une manière ou d'une autre, c'est servir l'église, ou bien se servir de l'église pour soi-même améliorer l'image du festival. Il y a quand même une position un peu chelou aussi de dire on fait un truc de culture hyper locale, mais quand même on fait venir des groupes de 600 km. C'est qu'il y a quand même une certaine volonté d'ouverture, mais qu'on choisit bien où on place cette ouverture aussi. Et c'est... Après, ça reste une ligne dans son programme de cadre. Nous, on est en train de mettre l'emphase là-dessus parce que ça nous a interpellés, et que du coup, ça lance une discussion. Mais en vrai, c'est un super festival, on est là aussi parce que ça nous plaît. Et c'est pas parce qu'on parle que de ça, là, maintenant, qu'il y a que ça qui existe dans ce festival. Ouais, je rappellerai quand même un truc qui est chouette, c'est... pas le côté festival sans militantisme, mais le fait de faire avec des gens qui sont différents, qui ont des autres convictions, ça permet de se décaler et de prendre un autre point de vue qu'on prendrait pas forcément en restant uniquement dans son réseau et tout. Et ça, je trouve que c'est chouette de valoriser ça et de favoriser ça. Et du coup, que voilà, cette organisation de festival, elle se fasse avec des gens complètement différents et qu'ils arrivent à faire quand même un programme qui se tient malgré tout, avec des trucs chouettes quand même. Je trouve que des fois, c'est pas plus mal. Enfin, j'essaye de repartir un peu sur... Ouais. De faire un pas de côté des fois pour aussi prendre en considération la posture de l'autre. Toutes les intentions, elles sont très louables, dans tout ce qu'il nous a présenté, vraiment. Ouais. Après, le fait de faire une festinale en Ushito, en 2018, dans le cadre RDCF, la République démocratique et coloniale française, qui est déjà une acte militant. Ouais. La RDCF ne prévoit pas de temps de festinale en Ushito. Qu'est une via qui a une lutte perpétuelle qui s'accélère pour éliminer tout ce qui dépasse. Donc, à quoi est-ce un acte militant? Après, il y a des ingrédients qu'on pourrait améliorer pour faire une sauce meilleure, C'est déjà... Mais du coup, c'est presque dommage qu'ils disent « on ne veut pas être militant », alors qu'en fait, c'est déjà militant, et c'est chouette, c'est une dimension qui est présente et qu'il faut mettre en valeur, et donc il faut parler. Et en voulant se dédouaner de « on veut pas être militant », il fait disparaître toute cette dimension militante qui est importante, qui est déjà là. Le mieux serait été quand même qu'il soit parmi nous, parce que tout à fait. Nous on est un peu déterminés, puis on est quatre, mais ça aurait été chouette de l'avoir avec nous. Ça me donne un peu l'impression qu'en plus qu'on l'a attrapé au réveil le matin et que direct, vu qu'on avait 10 minutes pour lui parler, on l'a un peu enchaîné avec les questions sur les trucs qui nous gênaient, et c'était pas la seule, celle de l'église. Il s'est un peu retrouvé avec 4 personnes qui le regardaient un peu avec comme ça, écouter ses réponses, et de fait c'était pas très confortable pour lui, je pense, comme cadre de discussion, mais il l'a plutôt bien pris, il a été sympa, et on a pu discuter. Alors on a une petite intervention discrète. Une visiteuse qui écrit des choses. Non, mais c'est pas grave, elle ne veut pas parler, mais c'est pas grave. Veut pas par là, pas le moment. Mais est-ce qu'on ferait pas une petite pause chanson? Bon, alors on fait une petite pause. Et du coup, pour Santa, on met nous. Voilà. Et on pourrait. Les stacks, là, connaissez les stacks. Ok. Vous voulez quoi? Vous voulez pas chanter La Liberté? On fera plusieurs chansons. Oui, allez, on fait les stacks. Entre question ça qui? Allez, et bonjour. On peut faire les stacks alors. Bonjour, chères invitées muettes. Pas muettes, presque. Non, c'est parti? Attendez, peut-être on va se disposer autrement, on peut se mettre debout là. Ouais. Faut que il y a des monde qui écoutent la radio normalement. Voilà, il y a des monde qui écoutent la radio, copain. C'est bon, vous savez vous êtes dans notre intimité, millions d'auditeurs et d'auditrices, vous savez qu'on se dispose pour chanter. On vous dit tout de notre intimité. Bah, tout le monde la connaît. Allez. Bah, bon, bah, moi, des fois, j'aime bien avoir des paroles. Vous savez pas la radio. La vie, c'est certaine par là. De bon matin al portal. Mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Si cert que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem despertar-nos mai no podrem caminar. Si Est-ce une occasion pour apprendre la langue Et per cantar et se faire plaisir. Un peu comme nous. Et donc, il se situe où cet ensemble? Vous répétez où? Au Puy-en-Velay, à la Calandrette, du coup, à l'école la Calandrette de Père et Cardinal. Voilà, une idée de parents ou d'élèves, du coup, pour effectivement aborder la langue et s'en passer par un aspect très scolaire, aborder la langue à travers le chant. D'accord. Ok, et vous avez un nom? On s'appelle Loose Manigans. Wow, on peut vous écouter sur Internet. Non. On peut vous rejoindre? Alors, vous pourrez nous rejoindre à l'ouverture de la fête du Roi de l'Oiseau. Cette année, la thématique, c'est les chants de retour de guerre du XVIe siècle. Et des chants à danser aussi, mais voilà, en lien avec cette dimension-là. Et c'est quand? De l'homme qui revient ou qui ne revient pas. La date. Et ça sera l'ouverture, c'est le 13 septembre ou le 14 septembre. Bon, je ne sais pas ça déjà, SB. Ok. Ok, super. Merci. Merci en tout cas pour cette petite intervention. Oui, ouais. Merci à vous. Spontanée. On retournera ensemble plus tard dans la journée. Mais d'ailleurs, il y a Manu Terrand qui propose un stage. Et ben, on va y aller. Minutes. Convider toutes les auditeurs et toutes les auditrices à venir à l'Estadie. En ce 25 juillet. Adieu, ciao. Alors, oui, effectivement, peut-être qu'on peut... Est-ce qu'on ne dirait pas un peu ce qu'il y a? Parce que, par exemple, sur la suite de la journée, on va avoir... Oui, je vais pas lire le programme, mais il y a cette histoire de stage. Il y a deux stages. Un stage de chant par Manu Terron de Luca de la Plane. Et un stage de danse avec la Talvert. Et oui, parce que ce soir, il y a la Talvert. Et oui. Rien que ça. On va bien danser et chanter aujourd'hui. Je pense qu'on va passer une bonne journée ce 25 juillet. D'ailleurs, je suis tombée sur une affiche, ça n'a rien à voir, mais de 2003, d'un rassemblement qu'il y avait eu au Larzac. Et il y avait la Talvert. Et voilà. À quoi ça te fait? C'est genre, c'est très vieux. C'est que je ne pensais pas que dans ce rassemblement d'il y a... 15 ans, voilà. Mais j'étais étonnée. Ça me choque pas trop, moi la dernière fois que j'ai vu la Talvert, je crois que t'étais là aussi, c'était quand même à la ZAD. Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, il n'y a pas si longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps. La Talvert existe depuis mal des 30 ans. Ouais, mais c'est fou. Ouais. Voilà, cette affiche, je la connaissais d'avant, en fait, de retomber dessus, et je ne connaissais pas le groupe, et de retomber, de voir, ah mais voilà. Et comme quoi, il y a vraiment une dimension militante dans le fait de chanter en occitan. Exactement. Un petit peu qui est dosable en fait quoi. C'est pour décider la proportion chaque personne qui est la place Mais en tout cas c'est quand même toujours un acte militant quand même de chanter ouais, de faire une place à une langue qu'elle n'a pas. Voilà. À propos de ça, moi j'ai une petite annonce à faire, j'ai l'impression que je fais des annonces à chaque émission. Vous tous et toutes ou tous qui nous écoutez, si vous avez, des documents style info kiosque sur l'occitan, bien sûr, mais sur n'importe quelle autre langue que vous présentez comme étant une langue rebelle, eh bien, n'hésitez pas à les envoyer à langrebelle@riseup.net, c'est-à-dire langas-6rebelas@riseup.net. C'est la première fois que je le dis aussi tranquillement. Mais ouais, c'est trop fort. D'habitude, je fais des erreurs. Tu es un véritable clavier. C'est parce que je suis pas à la régie cette fois. Je suis détendue. Libérale de la. Là, on est bien là. Ouais, on est dans des fauteuils et tout. C'est le réveil. Ouais, voilà, on chante. On a bien un café, on mange des viennoiseries. T'épouse. Ah ouais. Tu vois, on est en train d'enregistrer, donc si tu veux dire un petit mot... C'est Julien. C'est Julien qui vient d'entrer dans l'Ossa ou de la Ligue. Bonjour. Si tu veux dire un mot... Eh bien, Metsaya Veniker de Croy et Peristalji des Champs, au Manu Terron. D'accord. Donc, faut m'en pas ça. D'accord. Pour cause d'un passage technique. Alors. Ok. Eh bien, c'est bien, comme ça, nos millions et millions de millions d'auditrices d'auditeurs auront entendu la voix de Julien. Voilà. C'est quand même pas mal, plutôt que de juste paraphraser ce qu'il nous a dit, vous savez. Il existe en tout cas. C'est pas un personnage créé de toute place par l'équipe maléfique de Langue Rebelle. Il peut pas se prononcer lui-même sur, sur ce qu'on lui a demandé, mais il existe. Bon, voilà. Du coup, on en était, on parlait de quoi de d'info-kiosque, tout ça. Ouais, j'ai demandé ça, on voit des stages. Et puis, parce qu'on voulait aborder aussi... Peut-être on peut parler de la soirée d'hier. Oui, on peut parler de la soirée. Oh, faisons les choses dans l'ordre, après tout. Qu'est-ce qu'on a... Donc, on est arrivé... Quand est-ce qu'on est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a vu Alors, eh ben, alors, on est arrivé, je sais pas trop vers quelle heure. Hein. Et puis... Pardon. Un bon jeûner, comme disait d'abord. Un bon jeûner. Quel le moment que le jour et la nuit se rencontrent. Entre chien et loup. Ouais, un bon jeûner. Un bon jeûner. Okay. Et pourquoi on dit bon jeûner? Bah, en fait, qu'il y a une déformation des bords des neiges. Ah. Dans mon par là, comme une expression récurrente, on tendance à avoir des formes qui évoluent. Ouais. Et du coup, c'est le pronom bon jeûner. D'accord, bon jeûner. Mmh. Ok. Et donc, on a vu d'abord Beach Bunia, vous vous rappelez? Oui, ah ouais, Beach Bunia, ouais. Donc, c'était un trio. Avec ceux qui étaient sous le chapiteau? Non, une danseuse. Il y avait un danseur. Ah oui, oui, oui. Avec oui. Un super danseur. Ah oui. un peu le Michael Jackson, ouais, de l'Occitan. De c'était franc bien, quoi. Ouais, c'était vraiment. Une danseuse à des compétitions. Ouais. Et ouais, ouais. Donc il y avait ce monsieur-là qui dansait en ligne, là, comme un dingue, hyper vite. C'était trop chouette, avec des musiciens derrière qui jouaient. C'était. Des ouais, musiciens des Provence, hein, qui faisaient le duo un peu traditionnel tambouré galoubé, qui est instrument à vent et à la percussion en duo, qui est un peu la musique traditionnelle des Provence depuis longtemps. Et après, j'ai surtout vu toi te déchaîner sur Polyphonic System. Non, c'est faux. Ah, moi, ça devait être une autre personne. Oui, je crois que tu confonds. Okay. Mais c'est vrai que c'était de la grosse balle, ce groupe-là. Ouais, c'était vraiment super bien. Tout le monde a beaucoup aimé. Je pense qu'on a dansé. Je pense que j'ai jamais vu une farandole aussi excitée. Non, mais c'était la folie. Enfin, moi, j'adore ta manière de danser la farandole, je dois dire, à base de « vous voulez aller là, moi, je vais ailleurs. » Et c'est comme ça. C'était super. Non mais ça donne envie d'être fifou. Si vous voulez, en fait, à un moment, genre c'est de l'afro, n'importe quoi, de l'électro-trad, mais il y a vraiment des sons genre bien à l'ancienne. À un moment, ça commençait, genre t'entends des mots en occitan, puis en même temps il y a de la dance, quoi, mais de la vraie dance, quoi. Je sais pas si non mais c'était un truc de fou, moi je croyais pas, le mélange incroyable. Ouais, après il y a le mec qui faisait de la du beatbox, ça va, qui gère pareil bien à l'ancienne. C'est un gars à l'ancienne, le gars là, mais c'était bon, quoi. C'était super. C'était chouette, ouais. Ouais. Avec il y avait Manu Théron, celui dont on parle tout à l'heure, qui va nous faire le stage de chant. Et alors, du coup, Manu Théron, c'était celui qui était à la flûte. C'était celui qui était tout à droite, je crois, sur la scène. Théron qui avait en bleu. Non ? Non. Non. Théron un peu costaud. C'était celui qui parlait ? Ouais. D'accord, ok. Ah, c'était lui ? Ouais. C'est lui, Manu ? Ok. Ok. Ouais, ok. Parce que sinon, on a vu aussi le plus grand flûtiste du monde. Il a été présenté au moins 4 fois comme ça. Il y avait aussi de la cornemuse dans le groupe. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi ? Moi, j'avoue, ce que j'ai trop adoré, c'est qu'ils avaient la chabrette. Tellement à fond. C'est ce qu'on appelle. La chabrette, la cabrette, ouais. C'est ça ? C'est un genre de petite cornemuse. Ouais. C'est ouais, comme ça, parce que c'est une peau de chèvre. Ah ouais. Et t'allais dire quoi, Fanny ? Ouais, parce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'ils avaient l'air vraiment de s'éclater. Ils avaient l'air trop contents, quoi, sur scène. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'était comme nous à une répète chorale. Et ce qui était chouette, là, je reviens un peu sur les paroles de Julien, c'était vraiment que du coup, il y avait ce mélange de gens dans le public qui n'avaient rien à voir. Et qui dansent ensemble, qui se donnaient la main, et moi c'est ce que j'aime dans ces moments-là, des balles trad entre guillemets, qu'on appelle trad, mais que c'est ces mélanges de gens qui aiment danser et qui font ensemble, c'est très beau. La génération que c'est mec là bébé, hein. Ouais, ça va bien. Ouais, et je pense que ce soir ça va être, enfin non, du coup le 7 juillet, parce qu'on est quand même le 25 juillet, du coup le 7 juillet, ça aura été sympa aussi, je pense. Si on avait été en vrai direct, j'aurais bien passé une chanson de Polyphonic System. Ah okay. Ouais, mais on en remettra, ouais. Vous inquiétez pas. La magie fera que. Et dans les interplateaux, on a quand même pu entendre une petite chorale spontanée qui était assez sympathique. Oui, c'était qui, c'est Sandra nous invite. Je crois que c'est Lois invite. Hein. La chorale secreta, je crois, non? C'est pas ça, oui, c'est la ça. Je crois avoir entendu ça, mais je suis pas certaine. Secretario ou secreto? Secreto. Secreto. Quand rêver le secrétariat. Non. Enfin, pas qu'on sache, peut-être. Ces personnes sont tellement secrètes qu'elles pourraient aussi bien faire du secrétariat. Ton oreille à fourcher, je crois. Ton oreille à fourcher, c'est génial. Et après, par contre, alors c'est vrai qu'il y avait, ouais, il y avait des interplateaux, il y avait des trucs dans le chapiteau, et effectivement il y a eu la chorale à secreto, et en même temps d'autres trucs qu'on n'a pas trop entendu. Bah non, parce qu'on écoutait la chorale. Mais... Et voilà. Mais par la suite, il y a eu le groupe Goula Masque. Est-ce qu'on a envie de parler de ça? Est-ce qu'on a envie de parler? Ouais, voilà. Voilà. Mais moi je veux bien dire un truc, si quand même c'était voilà des gros gars du gros ska, des gros, je vais pas le dire, mais ils avaient ils avaient envie de montrer qu'ils avaient sacrément de quoi faire, de quoi s'asseoir dessus, tu vois ce que je veux dire? Ah putain, mais franchement, enfin pétain, je veux dire, même pétain de merde, voilà, ça m'a rendu ronchon après les polyphoniques. Bah, peut-être qu'il nous a rendu ronchon, c'est l'accumulation, que c'était le dernier groupe de la soirée et qu'il y avait que des gars sur scène. Voilà. En plus. Voilà. Comme beaucoup souvent, comme souvent dans quand même, hein, beaucoup pour le dire. De festivals. Donc c'est pas les gens ici qui sont plus fautifs que ceux d'ailleurs, mais c'est quand même un truc très très systématique. Alors on peut le dire à la radio. Donc on a tendance à perdre patience, avouons-le, parfois. Voilà. J'aimerais bien qu'on chante La Libertad, ou alors parler de ça. Ou... Ah, une version interdite. Oui, la version de la chorale secrète. Oui, hier, on a appris, donc d'après la chorale secrète, une version interdite de La Libertad. Et donc, on va se faire un truc comme ça. On va la tenter. Allez, et on se lève. J'espère qu'on va s'en souvenir, parce qu'il la faisait bien, la chorale secrète. Et Il n'y a pas d'enregistrement, il apparaît. Alors. C'est des mémoires orales. Ah bah alors, attends. Il faut juste se lancer. 3, 4. Tu que sais, ça dérousse et nidisson. Tu que sais, les âmes côté pousse. Tu casses une avouesse d'éclairou, ou est-ce que la semaine n'appelait pas mou? Oh, buena muse, oh, buena muse! Si est-ce la muse, au dey paurilus, ta calèse n'est grand défumado, tes yeux sont une fusillade, si est-ce une flume des barricades, si est-ce la Vénus, des morts, des femmes, si est-ce la maîtresse, da che le canji e camier le senza palle senza lie le guise van senza solier ante careso ma le altre ti fa ruta le gros cancan che ta fino le zene miste la pavil caso non tu o santo fi es libertà. Oh libertà, oh libertà, tu mo si es bello, te es brillo come oriam, e cruce il fiume de tu ma, te lo so come un derecho, si te mamelo, ma pei, te fes diez de mora, tu più dulce che le estrello, e nu te bulle somma del, come se inclina le capel, te pei. This is go. Tu que sies pudieros herido. Tu que luces dile la yu. Tu que as una vez te creu. Pues suena, suena, pega el mundo. Lores en gudo. Bon, je suis bien contente qu'on ait réussi à la faire, et surtout à la radio, parce que on a un petit peu été chahuté. Alors moi j'ai raté cet épisode là, mais quand on m'en a parlé ce matin, j'étais un petit peu déconcertée de ces reproches de cette version, et j'aimerais qu'on en discute, parce qu'on peut entendre qu'on puisse les faire versions. Des... Non, mais je veux dire, on peut entendre qu'on puisse faire des reproches sur cette version. Alors, expliquons d'abord à nos auditeurs ce qu'il en est. Eh ben, quand on a chanté ça hier, il y a une personne qui s'est manifestée en fronçant un peu les sourcils et en disant, mais quand même, il y a eu des morts. Normalement, c'est une version, c'est solennel comme chanson. Enfin, globalement, on disait, il n'y a pas trop de quoi rigoler, quoi. Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné d'en faire une version joyeuse alors qu'il y a eu des morts? Enfin, c'est la commune, faudrait quand même un peu se renseigner. Enfin, comme si on ne savait pas en plus de quoi il retournait. Moi, je trouve que c'était... assez paternaliste et désagréable comme manière d'aborder les choses, et je pense sincèrement que si on avait été des gros gars qui font du gros ska, bah ils nous auraient rien dit du tout. Et voilà, il est un petit moment. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que Goulamask a donc fait une reprise de ça aussi. Non, non, dans l'Estaque. Ah ouais, mais il y avait celle-là aussi. Non. C'était celle de l'Estaque en version ska. Bon bah, je voulais juste cracher sur Goulamask. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai pas entendu ces reproches-là, parce qu'au contraire, il y a eu plein de gens qui sont venus nous dire que c'était chouette, c'était bien, et moi, c'est vrai que j'avoue que j'ai pas forcément entendu ce reproche-là, mais j'étais étonnée parce que, bon bah oui, c'est vrai que c'est un chant qui a une histoire... Mais je pense qu'on le sait, et en faisant cette version-là, on n'était pas dans une idée de ne pas respecter ça, au contraire. Et du coup, le fait de chanter un hymne à la liberté, ben, en fait, on était dans la joie, quoi, justement. C'est la passion de la liberté. Quoi. Une lecture liberticide de Libertin. on l'avait un peu abordé comme ça, en plus, quand on a... évoquer l'idée de changer un peu cette chanson, parce que on la chantait dans la version plus traditionnelle au départ, et on a eu tendance à trouver que c'était un peu pesant et un peu difficile, et que peut-être que ça nous évoquait pas ces choses-là, hein, quand on parlait de liberté, qu'on avait plus envie d'être dans quelque chose de plus léger, de plus heureux. Et moi, c'était surprenant, en fait, qu'on nous reproche le fait que c'était peut-être pas très respectueux de l'aborder comme ça. Ouais, c'est vrai. Avec d'Invita. Voilà, c'est bien l'Ostao de la ligne, parce que du coup il y a des gens qui rentrent et qui sortent, ouais. Et du coup on a des invités spontanés. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot? Non? Mais vous pouvez me parler à Kumoko. Là on est en direct, de loin, faux direct, qu'apprennent de loin. Voilà, nous sommes le 25 juillet à Saint-Etienne, bienvenue. Bon, ben qu'elle se reprend donc. Que vous voulez... Bah, je sais pas si vous voulez vous présenter, enfin je sais pas. Eh bien, chien d'Ardétois, nous aujourd'hui, ouais. Hein, chien d'Ardète, pas de votre pays, mais n'importe que l'Arche comprenne, à peu près. Ouais. Bon. La radio, ça m'intéresse bien parce que l'ayant fait, dit le temps. Ouais. Je sais pas si. Mick, que t'intéresse ça? Ben, elle est déjà pour écouter les émissions, mais qu'on m'intéresse au franc, qu'on nous intéresse au franc, mais parce que. Tu vas expliquer, donc Double DD, tu en diras mieux, parce que parle mieux encore que Mick, parle de leur appareil quand t'es petit. Mimaille, mais il n'est pas tant pratique. La radio, qui est en 80 millions, vous vous rendez compte? Avec vous, la doyenne à la fille, en 80 millions, quand le Mitterrand fut élu, et que fallait la libération de la jonda. De la quoi? Des ondes. Des ondes, La radio libre, à l'époque disant la radio libre. Et donc, M. Audi, mais qui est le moment de parler, de faire revivre notre langue, donc la radio, alors, qui est réussi à nous aider, donc, à 20 fois, les messieurs, à 20 commencer de parler, et alors inviter à vous de monde, inviter le monde, comme au monde d'aider, et que vous dire bonjour. Bonjour. Et où j'ai écouté en 82 à l'hôpital quand ta mère m'a fait opérer de l'estomac. Et puis, comment qu'il appelle encore? Faisait un zé, non? Une zé, oui. Et où j'ai téléphoné. Ah. Et puis, comment quoi? Mais le premier jour que par là, transpira, ou parce que. Ah. Elle est intimida. Vous aviez appelé la radio et vous. Ouais. Après, vous êtes venu participer. Et rentre à Zera, comment. Kumako, nous sommes connus Kumako. Le monde que je suis pas bien sympathique. On voulait dire qu'on devrait peut-être avoir des auditeurs et des auditrices qui vont nous appeler et rejoindre la radio. C'est ce trop serait bien. Trop bien. Bah, nous autres, nous t'envoyons invité à le monde à Chouna, en voyant le numéro de téléphone de la radio. Ouais, c'est vrai. Quel est notre principe ? Ayez tout le monde dû faire par là le monde d'Opaï. Alors, on n'a pas fait qu'au camp de trop intellectuel, Kumako, hein. Avant de faire par là le monde du pays. Alors, mieux n'en trouver avant que Dédé, qui est de natif, comment on peut dire, hein, que la langue hier en tombe devient au vrai. Et que donc, alors faisons un téléphonat. D'accord. Alors, appelez-nous, alors le monde téléphona, bon, qui est même trop après. Parce qu'en direct, il n'y a plus place à un mot. Tout le monde est. Il y a très ligne de téléphone. Et qui est toujours occupé, qui est religuette, et que fasse la technique, et que nous passions le message. Luguette parlait à papa toi, et le monde, il parlait avant aussi tant. D'accord. Alors Luguette l'a pas engagé comme quoi. Ah, qui est une bonne pédagogie. Pour répondre au monde, voilà. Qui est une bonne époque. Hein. Okay. Est-ce que vous pourriez dire. Parce que, je sais pas, vous êtes arrivé assez vite, puis c'est très agréable. Oui. Mais c'était quoi le nom de l'émission ? Et c'était à quelle fréquence et sur quelle fréquence ? Ah là là, la fréquence, à temps de maille d'une co. Ouais. 95. C'était quoi le nom de la radio ? La radio s'appelle Radio Vivaré. Ouais, okay. Par la Rhin. Okay. Et l'émission qui est Parle la Rhin. Par la Rhin. On parlera. Ah. Nous parlerons. Ça me fait penser à la Sokia Marcas sur tu. Ouais, c'est quoi ouais. Nous qui. Nous voulons pas que. Nous, que j'arrête pas. Ça veut dire quoi, que j'arrête. Nous ne tairons pas. Ah, que j'arrête pas. Mais vous parlez trop aussi tant, vous voulez pas un parle de français. Non, non. Non, non, c'est bien, on essaye de mélanger tout. Ouais. Voilà. Du coup, nous, l'émission, elle s'appelle Langue Rebelle. C'est joli. Qu'est-ce que ça vous évoque Langue rebelle. Au pluriel, langue rebelle. Ah oui, langue rebelle. Ah, rebelle. Oui. De langue qui ne se volent pas les safaires. Ah ouais, ah ouais. Qui ne se volent pas les safaires. C'est ça. Et vous l'entendez que tu entends hier sur la plante. Hein. Oui. Vous avez vu Santa hier. Ouais. C'est la couronne secrète. Avec Santa, à un moment que là j'avais bien, elle avait bien compris. Avec Santa. La liberté. Ah. Ah là là. Seigneur française, nos cahiers. Nos collègues. Zanzanette. La Zanette. Ah, la Zanette. Avec une autre version. Avec Santa, la phrase, le vrai phrase. Catalan. L'Estac. L'Estac, ouais. Ben oui, mais. Ouais. Voilà. Ouais. J'y arrive, comme tu savais, où suis la choupe. Tu savais, je suis la choupe. Maintenant, là ? Oui. Oh, mais c'est très bien. C'est parfait. Bon, par contre, on est sur la fin parce que. Eh ben oui. Donc, il reste plus que 2 minutes. On vient de s'entendre un peu. Mais non, il reste 12 minutes. Ah oui, on a commencé. 12 minutes, mais oui. Avec comme un chat, un pao, un tardir. Hein. Oui, on a commencé en retard. Exactement. Et pour une centaine, mais là, pour être ça va. Ouais, mais disait Adjou Pau Capital, qui est de Neurochito, mais là, okay, tout le monde pourra en Santa facilement. Ouais. Mais est-ce que. Moi, j'avais une petite question quand même. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une langue rebelle ? Une langue rebelle, qui est une langue qui se vaut pas que ça. Ouais. Se taire. Une langue qui ne veut pas se taire. Bon. Se perdre. Ok, très bien. Une langue qui perd pas le nord. Je dis une langue qui perd pas le nord. Mais je suis en région du d'oreille. Donc les présentateurs en HPDD, parce que le monde ne se rend pas compte à l'antenne. Tu en es su et prêt ou un Ardèze. A failli le paysan. Le paysan de 31 ans. Voilà. Et puis je suis rentré à l'usine. Et la fuma est généraux. La fuma, attention, Ouais, t'es renommée, il y a beaucoup de connaissances, la fume. La fume. Moi je comprends pas. La fume, c'est la marque. La marque de la marque. Sac à dos. Ah, ok. Ouais. Ah ouais. Voilà. D'autant que dire, il faut genre que de chaque tyrolienne, de chaque matelot, et de table, de chaise, de fauteuil, de relaxe, de table. Il y aura en cet état d'usine, en cet état millier, fond de. de toile de tente, de tochette, de tochette, de marte. Dédé n'a pas fait de publicité. Ouais. La veille de ce profil, parce qu'à la radio, il faut faire attention, nous autres, à la publicité. Eh bien, ouais. Il y a un brave homme qui venait, le pauvre, il en a eu 1900 vues, vous vous rendez compte? Vues. 1908. C'était un de mes animateurs préférés qui venait avec moi quand il y avait un moment, hein, Vallée. Le Régis Vallée s'appelait. Et un jour, à du jeu tout doux, un gâteau, coca en minza, et puis une bouteille. Ben, alors, minza, on ben, vient, on parle, on parle d'accord, on la radio. Et un jour, il y en a d'une tarte qui est bien, bien brillante. Et la fenêtre est rentrée, il dit, mais Régis, comment vous faites pour faire une tarte aussi brillante? Oh, qui n'est pas compliqué. Année Intermarché, et à ce temps, de nappage, qui est un produit que l'on me dit bien, mais ça fait briller la tarte. Alors, bon, elle dit, alors, qu'a suffi, Dédé. Alors, après la fenêtre, téléphonave, ou le jour, mais téléphonave. Comment avait dit Régis, il avait attendu votre à Intermarché, disait. Ah oui, vous aviez fait de la pub toutes, sans vous. Toutes sans les vouloir. Semaines, il recommençait et les gens, ça les amusait tellement de lui faire dire Intermarché, qu'il fallait dire Intermarché. Vous l'avez acheté où, Régis, votre? Mais en tout cas, ce qui me fait, ça, c'est que du coup, vous mangiez et vous buviez pendant la mission de radio. Sans arrêt. Tu vois, c'est ce que nous, on aimerait faire et qu'on n'a pas fait encore. Même pas ce matin, on voulait le faire, on l'a pas fait. On est trop sérieux. Et nous, c'est en plus, on faisait du direct. Nous aussi, on faisait du direct. D'habitude. Alors, c'est pas ici, nous, c'est à Saint-Etienne. Ah, ouais. À radio associative. Comme on faisait du direct et qu'on voulait pas ouvrir les bouteilles en direct, alors disant, un impasse un pas de musique avait un problème technique. Ah ouais. C'est un disque, hein. Je dis un disque parce qu'on avait des disques comme ça. Et puis, comme un coup, pendant que... On ouvrait une bouteille ou deux. Quoi. Ouais, c'est bien comme ça, on a l'expérience de l'ancienne radio. On sait comment on conseille. Oui, ça serait bien de. Mais si tu les veux, les émissions de radio, je numérisais jusqu'à 140, 142. D'accord. Je crois, ou 3. Ben, c'est vrai. J'en ai marre parce que. Comment dire, tourne à dire la langue. Hein. Mm-hmm. Comme fatigue un peu de numériser tout à coup, parce que comme me fait vivre en 1992, 3, 4, 5, 7, quand on dure jusqu'à 1995. D'accord. Ah, oui. 95. 14 ans. Quand 14 ans. Et que l'époque, la tourne vie, c'est comme si je revivais ça. Ouais. Et tous les gens qui sont là, ils sont morts. Ah oui. Mon pauvre Régis, qui était né en 1908, je me souviens bien de l'âge, parce qu'il m'a dit, quand son père est parti à la guerre de 14, il avait 6 ans. Donc, c'était... Hein, il avait 6 ans à la guerre de 14. Et il a fallu aider la mère, il m'a dit. Sa mère était toute seule. Et il m'a dit, mais... Alors, il parlait de l'école. Oh, pff, quand il est né à l'école, on ne parlait pas français. Et donc, voilà. On va terminer. On va aller faire la fin. On va aller sur la fin de notre émission. Vous êtes toujours sur Langrebel 89.5. Sur Radio et sur Radio Dio. Et du coup, on vous invite à la prochaine émission qui sera Attendez, je regarde. Elle sera toujours sur 89.5. Toujours sur Radio Dio. Mais... Et ce sera à 17h. Et nous serons. Bonjour. Alors, on a encore des invités. Nous sommes en train d'enregistrer une émission de radio. Donc, voilà. On va dire des visiteurs, en fait. Des visiteurs. Donc, la prochaine émission, ce sera donc le 22 août à 17h. Et on vous fera donc, si on est bien d'accord, une diffusion exclusive de l'émission zéro. Qui est vraiment, c'est vraiment une pépite, quoi. Qui n'est jamais encore sortie sur les ondes. Voilà, donc, voilà on l'a fait tourner à quelques personnes donc, sous le manteau. Mais... Soit vous vous accrochez à votre poste ce jour-là, soit vous écoutez ça sur Internet. Voilà, sur Radio Dio, le 17h, 22 août. On n'a pas juste rappelé l'adresse mail pour les retours sur notamment la chanson qu'on vous a chantée tout à l'heure. Ah oui, la pour Libertas, vos avis. Sur vos avis, si pour vous, est-ce que de chanter La Libertad de manière un peu samba, est-ce que ça vous choque ou pas. Ouais, on a reprendre des chansons de lutte en changeant le ton, est-ce que ça, ça fait quelque chose? Ou est-ce que voilà, on peut le faire? Ou est-ce que ça vous gratte quand vous entendez ça? Est-ce que ça vous fait des petits frissons ou est-ce que ça vous gratouille? Donc l'adresse, je la répète, c'est lengrebel@riseup.net. Donc ça s'écrit lengrebel@riseup.net. Wouh! Métia. Et ce pot, écouta sur internet donc. En direct, Les podcasts, c'est pour tantôt, ouais, ça va venir. Mais après, ça peut s'écouter sur internet en direct. Ouais. Voilà. En direct. Ouais. Mais ouais, en septembre, Chincourt, on va mettre ça. À Chincourt, le 4ème maître domaine. Voilà. À 5h du 4ème. Le mec, ouais, c'est ça, mais après, on. Non, mais après, une fois qu'on l'écoute une fois, on prend le pli et là, on y pense parce qu'on se dit putain, mais c'est génial. Et voilà. C'est pour pas manquer. Voilà, exactement. Moi, je manque jamais. Pour finir, on peut s'enchanter une petite. Ouais. Allez. Vous êtes chaud? Ouais. Oui, je suis. Allez. Oh non, alors, vous voulez chanter de laquelle? Mais disais à Dupin, elle serait bien proche de leur par là. Mais okay. Ouais, mais en même temps, vous aimez bien Tintinette, vous voulez pas choisir? Non, mais peu importe. Peu importe, celle-ci ou celle-ci. Tout moi voulez. Allez, vous voulez choisir? Non, la Tintinette, on l'avait déjà chantée. La Jeannette, vous l'avez déjà chantée. Dans la partie, non, bah allez, Tintinette, la connais jamais. Allez, on se fait plaisir. Nous, c'est nos paroles alternatives. Ouais, elles ont un peu chanté des paroles. Donc. Mais vous, j'écoutais d'abord. Alors, là, c'est un peu petit, mais. Mais je vous parle d'île, pour toi. Allô. Sans pas les deals, pas toi mais. Eh ben du coup on vous dit au revoir et merci de votre écoute. Ouais. Et à bientôt sur les ondes de Radio Dio. Comment on dit bisous en occitan? Poutou. Ah poutou. Poutou, une amie, disait nos enfants. Une amie. Une amie. Ah, mais il n'y a plus de gendre pour la faire la mienne. Te faut une amie. Te faut une amie. Ok, te faut une amie. Trois. Zanzaneto semon alazado, Zanzaneto semon alazado, alazade bozan su Zanzaneto, alazade bozan su Zanzanete zanetu. Dandane tse mon alazado, alazade bozan su, oh oh, alazade bozan su, dandane tse zane tu, alazade bozan su, dandane tse zane tu, alazade bozan su, dandane tse zane tu, alazade bozan su. La zane ciao sa sabato, la zane ciao sa sabato, dando fa giù sa minu, oh oh, dando fa giù sa minu, zanzanette zane tu, alla zate bozon su, zanzanette zane tu, alla zate bozon su, zanzanette zane tu, alla zate bozon su, zanzanette zane tu, alla zate bozon su. Zanetza va pa o pensa, e lu zandu ta fin tu, oh, oh, e lu zandu ta fin tu. Zanzane e zane tu, alla zate bozan su, zanzane te zane tu, alla zate bozan su, zanzane te zane tu, alla zate bozan su, zanzane te zane tu, alla zate bozan su. Zanetta pronto la maleto, Zanetta pronto la maleto, e zandur cupulù, oh, oh, e zandur cupulù. Zanzanette zanetù, alla zate bozon su, zanzanette zanetù, alla zate bozon su, zanzanette zanetù, alla zate bozon su, zanzanette zanetù, alla zate bozon su. La danette éclappe la clé d'eau. La danette éclappe la clé d'eau. Comprennent pas tout, hein. Ah non. T'as quoi, il a zado? Eh ben... Ah, il y a la petite... Il y avait pas... Une explication, normalement. Ah, mais... Chez nous, on dit c'est cochon le corpillou. Non, on n'a pas les mêmes paroles du tout. Mais donc, non, en fait, c'est on a réécrit. Parce qu'au départ, on se casse le croupion dans la chanson. Ah, mais vous les avez repris, les c'est paroles. C'est nous qui avons, voilà, réécrit les paroles, enfin... C'est mais même après, il y a des, non, des choses qui ont changé. La planète, chez Cochon, le corpillou. C'était un choix. Le dringolo. Ah. Le dringolo. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ouais, le dringolo. Par contre, j'ai bien envie d'aller voir Marie Théron. Écoute ça, des jeunes filles, toi. Oh, n'a jamais Mike et Mick. N'a jamais Mike et Mick. Et vous? Ah, je pense que c'est bon. Ouais. Ah, mais ça, tout le monde. Ah, mais moi, je vais pas. Donc, on part et toi, quand même. Non, mais on a dit ça, on a dit encore. Ouais, on a dit.